Chapitre 13e, Changement. Herbert Geoffrey, 17e baron d'Ayn, succédait aux honneurs et à la haute position de ses ancêtres avec la ferme volonté de s'en rendre digne. Le testament non signé du défunt lord d'Ayn fut exécuté par lui à la lettre et jusque dans ses moindres détails. Tous les legs qu'il contenait, du premier au dernier, du plus important au plus insignifiant, les moindres désirs qu'il exprimait, lui furent aussi sacrés que si le testament eût été parfaitement en règle. Le nom de Lady Adelaide y figurait pour 15 000 livres sterling, il s'empressa de remettre la somme à M. Lester. Mais un grand étonnement, étrange, inexplicable, s'était opéré chez le jeune lord. Une tristesse insurmontable semblait s'être emparée de lui. Ne sortant presque jamais du château, ne recevant et ne faisant que peu de visites, il vivait pour ainsi dire dans la retraite. Le prodigue sans souci, à la bourse toujours ouverte, était tout à coup devenu, depuis son héritage, un homme prudent, raisonnable, presque avare, et Denchel acquérait chaque jour, avec stupéfaction, une preuve de plus de ce changement auquel il s'était d'abord refusé à croire. La plupart des domestiques furent congédiés avec un an de gage, et le service du château fut réorganisé sur l'échelle la plus modeste. S'il existait au monde quelqu'un qui ne dût pas être satisfait du nouveau pair d'Angleterre, c'était sans contredit John Michel, qui l'avait refusé comme locataire du rendez-vous des marins. M. Apperley, malgré l'avertissement de Lord d'Ayn, avait cru pouvoir passer outre et rédiger le contrat. Mais il se trouva avoir compté sans son hôte. Le parchemin était inutilement rempli. Le rendez-vous des marins appartiendrait à Ravensbird. « À Ravensbird ? » s'écria-t-il dans son étonnement, quand la nouvelle éclata sur lui. Éclata n'est peut-être pas le mot propre, car Lord Dale lui annonça sa résolution d'un ton parfaitement calme et sans aucun signe d'émotion. « Ravensbird, mais il est impossible que votre seigneurie ait l'intention de lui consentir ce bail. »« Oui, c'est mon intention. »« Ne savez-vous pas qu'il était un des compétiteurs ?»« Oh, je le sais parfaitement. Je ne le sais que trop. Mais j'aurais cru que votre seigneurie le mettrait à la fin de la liste, ou plutôt ne l'y laisserait même pas, j'aurais cru. »« Votre opinion est la mienne, alors, à Parly ?» diffère entièrement sur ce point, dit Lord Day gaiement. Je ne puis m'empêcher de penser à l'injustice dont cet homme a été victime dernièrement, et à mon avis, comme Lord Dane, je lui dois une réparation. À part cela même, pourquoi ne lui aurais-je pas loué la maison? L'argent ne lui manque pas, il sera un locataire convenable. Ne conservez-vous donc aucun soupçon sur sa participation au fatal événement de cette malheureuse nuit? Je n'en conserve aucun, et depuis longtemps déjà. Je crois aussi fermement et aussi pleinement en l'alibi de Ravensbird que je crois à votre présence au château en ce moment. Sans cette conviction, il n'est pas probable que je les louerai aucune de mes maisons. Ce sera un coup bien terrible pour Michel, grommela Parly en pensant à certains billets de banque soigneusement serrés dans son bureau. Pas plus terrible qu'il n'aurait été pour Ravensbird si j'avais choisi Michel à sa place. En vraie justice, je le répète, il avait droit de compter sur l'auberge. Il est entré en pourparler avec Hawthorne dès la première heure et avant tous les compétiteurs, et il est venu aussi me demander de parler en sa faveur à Lord Dane. Lord Dane ne lui aurait jamais consenti ce bail, dit l'avocat d'un air de mauvaise humeur. Il l'avait donné à Michel, c'était une affaire conclue. Quoi qu'il en soit, moi, je me décide en faveur de Ravensbird, répondit Lord Dane d'un ton qui n'admettait pas de plus longue discussion. Préparez tous les papiers nécessaires. « Il est souverainement injuste de faire peser la faute d'un homme sur un autre, » reprit-il après un moment de silence. « Mais pour vous dire la vérité, je ne puis supporter d'entendre prononcer le nom de Michel. Si son frère, le douanier, n'avait pas perdu la tête cette nuit fatale, Harry Dane serait très probablement vivant aujourd'hui. »« Dans ce cas, votre seigneurie ne serait pas Lord Dane, » dit impudemment l'avocat. « Un bien petit malheur en vérité, en comparaison de sa mort. Je donnerais avec joie tous mes revenus à parler si cela pouvait le rappeler à la vie. » M. Apperley eut donc à rédiger de nouveau le bail du rendez-vous des marins et à restituer à John Michel son billet de banque. Cette dernière nécessité fut pour lui presque aussi douloureuse que l'extraction d'une molaire. Il n'avait en effet aucune chance d'obtenir une pareille gratification de Ravensbird, dont il s'était montré l'ennemi le plus acharné, et qui, dédaignant de le gagner à sa cause par des présents, ne devait sa victoire qu'à ses efforts opiniâtres dans une lutte à armes courtoises et à visage découvert. M. Apperley, dans sa rage, répéta à John Michel que le nouveau Lord Dane ne pardonnerait jamais à son frère de s'être conduit comme un idiot, et John Michel, furieux à son tour, courut immédiatement à la station de la douane où il reprocha amèrement et bruyamment à son frère d'avoir été aussi bête cette nuit-là, ce qui fit presque tomber ce malheureux homme dans une nouvelle attaque d'épilepsie. Ravensbird paya le prix demandé et au départ de Hawthorne entra en possession du rendez-vous des marins. Lord Dane exigea l'insertion dans le bail d'une clause assez singulière. Il se réserva, en prévenant Ravensbird 6 semaines d'avance, le droit de l'expulser de l'auberge. Ravensbird se débattit de toutes ses forces contre cette prétention exorbitante. Il n'y avait pas d'exemple, objecta-t-il, qu'une pareille condition ait jamais été imposée à un locataire, et il désirait connaître le motif de l'exception faite en sa faveur. Lord Dane refusa de s'expliquer, mais maintint sa volonté, et Ravensbird, en fin de compte, signa le bail avec sa clause léonine. Ravensbird ne fera jamais là ses affaires, pas plus du reste que tout autre homme non marié, disait-on dans tout le pays. Est-ce qu'une auberge peut réussir sans une hôtesse ? Ravensbird entendait ces propos avec une parfaite égalité d'humeur et sans sourciller. Il n'y faisait pas attention. Le lendemain des funérailles de Lord Dane, M. et Lady Adelaide Lester quittèrent Danesheld pour se rendre à Paris, qu'Adelaide ne connaissait pas et que depuis longtemps elle avait le plus grand désir de visiter. Elle se l'était toujours représentée comme un vrai paradis sur cette terre, ni plus ni moins. Mademoiselle Sophie le lui avait affirmé tant de fois qu'elle avait fini par le croire. Ce départ donna à Miss Bordelion le temps de se préparer au sien. Maintenant qu'il n'était plus Hall, elle n'avait pas de raison pour se presser de le quitter. Il suffirait qu'elle fût installée au cottage de la falaise avant leur retour. Tiffle l'avait admirablement manœuvré. En voyant Lady Adelaide arriver à Danesheld Hall, et malgré tous ses sourires et ses démonstrations de dévouement, l'esprit rempli d'idées de vengeance, elle s'était solennellement promis de donner sa démission. Mais pendant les quelques jours que Lady Adelaide et M. Lester passèrent à la maison avant leur départ pour Paris, Tiffle, après réflexion, commence à comprendre qu'il y avait pour elle un rôle à jouer. Lady Adelaide était jeune, indifférente, inexpérimentée et facile, par conséquent, à manier. Quand Tiffle viendrait lui demander des ordres, elle dirait sans doute « Oh, je ne sais rien de tout cela. Faites comme vous voudrez. Adressez-vous à Miss Bordelion. » Tiffle se persuadait peu à peu qu'avec cette jeune femme à la tête de la maison, elle pourrait agir suivant sa fantaisie, il y avait plus de succès encore que pendant le règne déjà si doux pour elle de la timide Miss Bordelion. Sans tergiverser davantage, elle se mit donc en devoir de gagner les bonnes grâces de sa nouvelle maîtresse, en arrangeant toutes choses pour qu'à son retour au hall, elle trouvât la vie facile et agréable. Les semaines se passèrent. Miss Dane habitait encore son ancien cottage, la petite maison couverte de lierre, à son grand désappointement, car le château de Dane lui semblait une résidence enviable. Et il était vraiment étrange, pensait-elle, que son frère ne l'appelât pas à en jouir. Elle se décida à lui en faire l'observation. Elle venait souvent passer plusieurs heures de la journée au château, y lunchant, y dînant quelquefois, et y tenant la place de maîtresse de maison quand arrivaient des visiteurs. Pourquoi alors n'y pas demeurer tout à fait? Elle et son frère se trouvaient ce jour-là dans le salon, suivant des yeux une voiture qui descendait lentement la route, une voiture fermée, de grand style. Ceux qu'elle contenait venaient rendre leur première visite au château, c'était M. et Lady Adelaide Lester. Miss Dane, en grand deuil, les cheveux aussi bouclés que jamais, les joues toujours aussi colorées, semblait absorbée dans la contemplation du magnifique landau. C'était la première fois que Lord Dane voyait les Lester depuis leur mariage. Il avait fait visite au hall aussitôt leur retour, remplissant ainsi, avec une rigoureuse exactitude, les devoirs que la société impose, mais ne les avait pas rencontrés. Leur séjour à Paris avait duré 2 mois, et Lady Adelaide, après s'être enivrée de tous ces plaisirs si nouveaux pour elle, semblait heureuse de se retrouver dans un intérieur tranquille. « Comme elle est changée, Herbert !» s'écria Miss Dane, après le départ des nouveaux mariés. « Je n'ai pas remarqué. Oh, mais elle est, c'est bien évident. Elle est maigrie, pâle et fatiguée. On dirait qu'elle va mourir. » Il ne répondit pas. Appuyé contre le mur, dans l'embrasure de la croisée, les yeux fixés sur les vagues qui se brisaient contre les rochers, du côté des ruines de la chapelle, ses doigts inconscients jouaient avec sa chaîne de montre. Peut-être son esprit se reportait-il à ses chers rendez-vous avec celle qui l'avait tant et si tendrement aimée. Aujourd'hui, la femme d'un autre. J'espère pour elle qu'elle n'a pas à se repentir de son mariage, continua Miss Dane de sa petite voix gazouillante. Cela doit être charmant de se marier, d'avoir une belle maison et un mari à soi. surtout si le joli garçon est pas trop vieux. Mais grand Dieu, si les choses ne tournent pas bien, après, si un pareil malheur arrivait, je me ferais faire un berceau de saule pleureur pour y passer mes journées à pleurer, avec ma guitare. Ce serait une petite consolation, n'est-ce pas, Geoffrey ? Geoffrey se contenta de remuer les lèvres pour indiquer qu'il avait entendu. Mais Miss Dane était une de ces heureuses personnes dont rien ne déconcerte le bavardage et qui ne s'inquiète jamais si on le répond ou non. Monsieur Lester est tout à fait charmant, chacun le sait. Quelquefois, en le regardant à l'église, je me demandais s'il existait au monde une figure aussi réellement belle que la sienne. Mais je ne suis jamais devenue amoureuse de lui, Geoffrey, non vraiment jamais. Il avait déjà été marié, tu comprends, et sa femme était si gentille, quoique délicate, et puis ses enfants ont presque la moitié de mon âge. Peut-être, Adélaïde, réfléchit-elle à tout cela maintenant, mais il est trop tard, pauvre fille. Lord Dane prit une lorgnette sur la table, derrière lui, et regarda attentivement un vaisseau au large. Miss Dane fut frappée de l'expression de tristesse et d'angoisse de son visage. Elle ne l'avait jamais vu aussi pâle. « Geoffrey, comme tu parais changé, » dit-elle en secouant la tête. « Mais tu sais que tu l'es réellement. Cela me frappe maintenant. Jamais tu n'as été aussi silencieux, et tu sembles toujours dans les nuages depuis quelque temps. Tu n'as pas dit trois paroles à Lady Adélaïde tout à l'heure, j'en suis sûr. » « Ce n'a pas été même très poli de ta part. C'est une jeune mariée, tu sais, Geoffrey. Je causais avec M. Lester. Pas beaucoup, Herbert. Je vais te dire ce que tu as. Tu t'ennuies à vivre ainsi seul dans ce grand château, sans une âme à qui parler pendant les heures entières, matin et soir, excepté les domestiques. Et moi, de mon côté, je finis par m'attrister, seul au cottage. « Ce vaisseau porte le drapeau autrichien, Cecilia, » s'écria Lord Dane, lorgnant toujours. « Oh, comme sa construction est bizarre. Tu ne veux pas regarder ?»« Oh, Geoffrey, j'ai peu souci des drapeaux et des vaisseaux. Si au moins on pouvait distinguer les officiers à cette distance, je ne dis pas. La vue en serait peut-être agréable. C'est autre chose que je désirerais, Geoffrey. »« Eh bien, voyons, qu'est-ce que tu désires » demanda-t-il en regardant avec bonté cette pauvre fille qui se tournait vers lui d'un air suppliant. « Je ne t'ai jamais importuné de mes plaintes, Geoffrey, mais en vérité, il faut que je parle à la fin. » « Il est à peine convenable maintenant que tu es le grand Lord Dane. »« Qu'est-ce qui n'est pas convenable ? De me laisser seul dans ce pauvre cottage, pendant que toi, tu jouis de ce vaste et beau château » continua-t-elle en baissant les yeux et en tortillant les garnitures de crêpes de sa robe comme font les petites filles de leur sarrau blanc, quand elles se tiennent, les yeux baissés devant quelqu'un qui les intimide. « Tu pourrais bien me permettre de venir vivre ici avec toi, Geoffrey. Il est étrange que tu ne me l'aies pas déjà demandé. » « Nous ne nous sommes jamais quittés, je suis ta sœur. Tu n'as que moi, après tout. »« Quand je m'établirai au château, Cecilia, tu l'habiteras avec moi. »« Mais tu y es établi ?»« Non, je vais le quitter presque immédiatement. » »« J'ai pris le parti de voyager depuis la mort de mon oncle. Les affaires à régler ici m'ont seul retenu jusqu'à ce jour. Je ne tarderai pas à partir maintenant. »« Pour combien de temps ?»« Pour un temps indéfini. »« Oh mon Dieu !» s'écria Miss Dane. « Je n'ai jamais eu l'occasion de visiter le continent. » « Je ne compte pas une ou deux petites fugues à Paris. J'ai été trop pauvre, comme tu sais. Rien ne m'empêche aujourd'hui de satisfaire mes fantaisies. Et moi, que vais-je devenir ?» demanda piteusement la pauvre Cecilia. « Tu seras heureuse au cottage avec tes oiseaux et tes fleurs, Célie, comme à ton ordinaire. Aucune femme au monde n'a un caractère aussi gai et aussi facile à contenter que toi. Mais, Geoffrey, puis-je rester seul et sans chaperon ?»« répondit-il en essayant de sourire. « Je n'aurai pas trop grande confiance en toi. Tu prendras Madame Knox avec toi, et je t'allouerai le revenu dont vous aurez besoin, quel qu'en soit le montant. »« Je serai heureuse d'avoir Madame Knox, » fit Miss Dane, aussi facile à contenter qu'un enfant. « Et combien de temps seras-tu absente, Geoffrey ? » ?»« 3 mois ?»« 3 ans, plus vraisemblablement. »« Oh, Geoffrey !» Il interrompit son cri de surprise. En réalité, il avait parlé sans penser à ce qu'il disait, et sans intention de fixer une époque aussi éloignée. « Je ne sais vraiment pas combien de temps pourra durer mon absence, Cecilia. N'ayant pas de plan arrêté, il m'est impossible de dire ce que je ferai ou j'irai. Sois assurée d'une chose cependant, je reviendrai quelques jours, si Dieu le permet, et à mon retour, tu demeureras ici au château dont tu seras la châtelaine. Comme ce sera charmant, mais Geoffrey, tu peux te marier et ramener ici ta femme, c'est très possible, tu sais. » Geoffrey Dane secoua la tête. « Je ne pense pas, » dit-il d'un ton décidé. « Voyons, Cecilia, pour ce qui te concerne, pendant mon absence, tu aimerais avoir un petit poney-chaise, n'est-ce pas ? Il te faudra aussi prendre un ou deux domestiques de plus. C'est indispensable. Tu seras plus confortablement au cottage, tu comprends, que dans cet immense et triste vieux château, sans moi. À mon retour, quand nous l'habiterons ensemble, tu feras la grande dame alors. » Cécilia battit des mains en sautant de joie. Mais au moment même, une pensée lui traversa l'esprit, et toute confuse, elle rougit et baissa la tête. « Qu'y a-t-il, Célie ?»« Je puis me marier pendant ton absence, Geoffrey. Ne le crois-tu pas ?» Lord Dane se mit à rire. « Bien certainement. Mais Cécilia ?» Et son ton devint sérieux. « Il faut me faire une promesse. C'est de n'épouser personne. Je veux dire de ne t'engager à personne avant de m'avoir écrit pour me consulter. Je ne serai jamais guidé en te conseillant que par le désir de ton bonheur. Tu as quelque fortune. Tu en auras une plus considérable un jour et tu ne te doutes pas quelle sorte de prétendant l'argent attire la plupart du temps. Aie confiance en Madame Knox comme lorsque tu étais petite fille et écris-moi constamment. Tu me promets de suivre toutes mes recommandations. Je te le promets sincèrement, Geoffrey. Je sais que je n'ai pas beaucoup de tête. Je te promets de t'obéir en tout. » Elle tiendrait sa promesse, Lord Dane n'en faisait aucun doute. Comme elle le disait, elle n'avait pas grand jugement. Mais quoique plus âgée que son frère, elle se laissait facilement guider par lui et s'en rapportait toujours à son avis avec la foi simple et pure d'une enfant. Comme Miss Dane venait de le remarquer, Lady Adélaïde était presque méconnaissable, maigre, pâle et fatiguée à croire qu'elle allait mourir. Lady Adélaïde semblait rongée par quelque chagrin secret. Qu'elle fût heureuse avec M. Lester, tout le monde devait le croire d'après les apparences. Il y avait cependant dans toute sa personne une apathie et une insensibilité peu compatibles généralement avec le bonheur parfait. Chose étrange, et qu'on n'avait jamais remarquée chez elle auparavant, quand on l'abordait sans qu'elle s'y attendît, elle tressaillait comme si elle était frappée de terreur et restait pendant quelques instants agitée d'un tremblement convulsif. Avait-elle commis une grande erreur en épousant M. Lester, et s'en apercevait-elle maintenant qu'il était trop tard pour la réparer? Lord Dane, en ce temps-là son fiancé adoré, l'avait averti un jour que sa vie, si elle épousait M. Lester, serait une longue suite de douleurs et de désirs d'échapper à une existence abhorrée. Avait-il été prophète? En vérité, il semblait que quelque étrange tourment pesât lourdement sur elle, et que son cœur fût plein de désirs inassouvis. Qu'elle fût désappointée, mécontente, que quelques sombres préoccupations la suivît sans cesse, un observateur attentif n'en aurait pu douter. De tous ceux qui l'entouraient, M. Lester était le seul à ne rien voir, à ne rien soupçonner. La passion de ce mari pour sa femme était de celle où l'homme le plus intelligent perd son jugement et sa perspicacité. Il ne vivait que pour l'aimer, pour satisfaire ses moindres caprices. Il lui obéissait comme un esclave. Ses moindres volontés faisaient loi. Ses fantaisies les plus futiles, il les accomplissait avec bonheur, sans penser aux conséquences de semblables complaisances et aux exigences qu'elle pourrait entraîner par la suite. Mais M. Lester était trop absorbé dans sa félicité présente pour songer à l'avenir. Il ne soupçonna pas un instant qu'Adélaïde n'était pas heureuse. Depuis leur mariage, il avait bien remarqué une certaine altération de sa santé, et cela suffisait pour cet homme amoureux à expliquer le changement de son caractère. Mais il supposait qu'en reprenant des forces et en oubliant peu à peu toutes les commotions dont elle avait été si profondément ébranlée pendant les derniers temps de son séjour au château de Dane, elle retrouverait bientôt son ancienne gaieté et sa vivacité d'esprit. « Aucun lien ne l'attache encore au Hall, » se disait-il. « Wilfrid est retourné à Rugby et Mariette avec Marguerite au cottage de la falaise. C'est une affaire de temps. Il faut qu'elle s'habitue à son nouvel intérieur. » L'amour de M. Lester pour ses enfants allait diminuant chaque jour davantage depuis son mariage. La nouvelle épouse les avait remplacés dans son cœur, et il est probable qu'elle aurait eu le pouvoir de les lui faire oublier tout à fait, si telle eût été sa volonté. M. Lester, du reste, n'avait jamais éprouvé pour eux une tendresse exagérée. Garderais-je à la maison Maria avec une institutrice ou la confierais-je à Miss Bordillon? Avait-il demandé à sa femme après le retour de Paris. Confiez-la à Miss Bordillon, répondit sans hésiter Lady Adélaïde. « Je n'en aurai pas la responsabilité et nous serons mieux, seuls ici tous les deux. Elle viendra de temps en temps passer quelques jours avec nous, cela va sans dire. » M. Lester envoyait donc Maria chez Miss Bordillon, à laquelle il paya une pension équivalente à celle qu'il aurait payée dans une institution de premier ordre, et Lady Adélaïde resta maîtresse du champ de bataille. Un matin, Sophie vint trouver Milady en lui annonçant son intention de la quitter aussitôt qu'elle le pourrait, sans inconvénient et sans la mettre dans l'embarras. Lady Adélaïde, surprise et ennuyée, autant du moins qu'elle était capable maintenant d'être surprise ou ennuyée de quelque chose en ce monde, demanda avec quelque aigreur la cause de ce départ, et Sophie avoua sans circonlocution qu'elle s'était décidée à épouser Richard Ravensbird. « Comment Ravensbird tient l'hôtel du rendez-vous des marins ?» s'écria Lady Adélaïde. « Oh mon Dieu, oui, Milady, depuis 3 mois déjà, et il prospère. Mais Sophie, vous ne pourrez jamais, j'en suis sûr, vous astreindre à vivre là, à rester au comptoir et verser de la bière aux pratiques. Ma foi si, dit Sophie, pourquoi pas. Je crois que c'est là justement l'existence de mes rêves, ma lady. » Lady Adélaïde laissa échapper un geste de mépris. Il n'y a pas à discuter les goûts. Mais vous ne pouvez aimer Ravensbird, il est horriblement laid. C'est ce que je ne sais de lui répéter, mais au fond, ma lady, moi je ne le trouve pas si laid. Et puis, ajouta impudemment Sophie, ce n'est pas la première fois qu'on verrait une femme plus heureuse avec un mari laid qu'avec un beau. En tout cas, je vais essayer quand ma lady aura trouvé à me remplacer. La réplique n'était que médiocrement agréable à entendre, et Lady Adélaïde, furieuse, déclare avec hauteur à Sophie qu'elle était libre de partir à l'instant. Le vieux dicton boulait contre son ventre et il sera éternellement vrai. Et si Sophie avait pris sa maîtresse au mot, celle-ci aurait été fort embarrassée en se trouvant tout à coup privée de ses services et sans personne pour la remplacer. Mais sur ces entrefaites, Tiffle entra. Tiffle avec ses airs respectueux et ses paroles mielleuses. Si ma lady consentait, elle remplacerait Sophie quant à présent. Elle était tout à fait au courant du service d'une femme de chambre, et ses fonctions dans la maison lui laissaient assez de temps pour qu'elle puisse s'occuper convenablement de ma lady. Les amis de Mademoiselle Tiffle auraient été fortement surpris s'ils l'avaient entendu faire une pareille offre. Tiffle proposait, de son propre mouvement, de se charger d'une double tâche. C'était du nouveau. Mais Tiffle savait bien ce qu'elle faisait. Pour débarrasser sans délai la maison de Mademoiselle Sophie Collot et de ses allures indépendantes, elle aurait volontiers usé ses mains en s'en enlever la peau jusqu'aux os. Pour prendre de plus en plus d'empire sur sa jeune et faible maîtresse, elle aurait accepté avec joie les plus pénibles travaux. La présence de Sophie ne lui laissait que peu de chance d'en arriver à ses fins, et Tiffle donna un coup d'épaule pour aider à son départ. Elle avait vécu, depuis l'arrivée de Sophie Hall, dans un état de rage perpétuelle en voyant l'inutilité de ses efforts à faire reconnaître par cette maudite Française son autorité, sous laquelle les autres domestiques courbaient si humblement la tête. Lady Adélaïde n'eut garde de repousser son offre. Depuis quelques mois, en effet, elle n'osait plus adresser à sa femme de chambre la plus petite observation et réprimer ses impertinences de langage. Au fond, elle se trouvait heureuse d'en être débarrassée. Sophie reçut donc la permission de partir aussitôt qu'elle le voudrait. Quelques jours après, Sophie Collot devint la femme de Richard Ravensbird et dès le lendemain de son mariage, prit possession de son poste au comptoir à 9 heures du matin, avec l'aisance et le sang-froid naturel aux dames françaises. Tiffle entra en fonction comme femme de chambre de Lady Adélaïde. Il avait été convenu avec cette dernière que ce n'était là qu'un arrangement provisoire, et en attendant une remplaçante convenable. Mais Tiffle se rendit tellement indispensable que sa nouvelle maîtresse ne donna pas suite à son projet. Elle lui devint bientôt précieuse. Elle amusait continuellement son apathique indifférence par des babillages et des commérages sans fin sur tout ce qui se passait dans la maison, sur Miss Bordelion, et principalement sur maître Wilfrid Lester. Dès le premier jour, Tiffle sembla s'être imposé une tâche, indisposer sa maîtresse contre ce jeune gentleman sans défiance, et elle y réussit. Des mois se passèrent. Lord Dane était parti pour son grand voyage sur le continent, laissant Bruff et 1 ou 2 domestiques pour la garde du château. Miss Dane demeurait à la petite maison couverte de lierre, avec ses fleurs, sa guitare, son nouveau poney-chaise et Madame Knox, une brave lady entre 2 âges, qui jadis avait été son institutrice. Ravensbird et sa femme prospéraient au rendez-vous des marins. Quant à Tiffle, elle s'insinuait de jour en jour plus avant dans la confiance de sa maîtresse. Un jour, Dainchild fut mis tout à coup en émoi par l'arrivée d'un colporteur escorté des agents de police qui venaient de l'arrêter à la Grande Croix. Un policeman plein de zèle, ayant cru remarquer une ressemblance entre cet homme et le signalement de celui que tout le monde maintenant supposait être le meurtrier de Harry Dane, avait, sans hésiter, procédé à son arrestation et l'emmené à Dainchild. Cependant Drake, appelé pour le reconnaître, déclara que ce n'était pas là l'homme qu'il avait vu se quereller avec le capitaine Dane, et Squire Lester confirma l'affirmation de Drake. « Les deux individus étaient grands, larges d'épaules, il est vrai, » dit Squire Lester, « mais leur visage n'avait aucune ressemblance. Celui-ci paraissait honnête et inoffensif, l'autre, au contraire, était d'un aspect sinistre. » Force fut donc de remettre l'homme en liberté, comme on avait fait autrefois de Ravensbird. « Trouverez-vous jamais le vrai coupable, croyez-vous Bent ?» demanda M. Lester à l'officier de justice. « Je ne sais vraiment que penser, monsieur, » répondit Bent en secouant la tête. « Le gars réussit à se tirer proprement d'affaire, c'est certain. Jusqu'à présent du moins, car tout finit par se découvrir tôt ou tard. Vous n'avez jamais entendu, je suppose, monsieur, Lady Lester, faire aucune allusion aux événements de cette nuit. Aucune. Ça ne serait pas un sujet de conversation agréable pour elle. C'est très curieux. » Mais je ne puis m'ôter de l'esprit que Milady en sait plus long, qu'elle ne nous en a dit, continua l'officier. M. Lester leva les yeux sur le policeman avec une expression de hauteur mêlée de surprise. Lady Adelaide a prêté serment du contraire, monsieur. Oh, je le sais bien, répondit Bent en mâchonnant le bout d'une paille. Alors il est inutile de remettre cette question sur le tapis. Bonjour, Bent. Ah, je n'ignore pas que c'est inutile, murmura l'officier de police tout en saluant M. Lester. « Et je perdrai mon temps à vouloir lui tirer les vers du nez. » Mais il y a une chose que je n'ignore pas davantage, c'est que si femme au monde n'a jamais intrigué depuis que je suis dans la police, c'est certainement celle-là, avec ou sans serment. « Ah, Milady Adélaïde, j'en réponds, est une fière trompeuse. »